Bonsoir. On peut commencer. Ma voix n'est pas bonne, donc faites l'effort que les enfants ne parlent pas. Il n'a pas répété. Tu vas bien? Ça va bien? Donc suivez les enfants. Bonsoir les frères, comment vous allez? Je vous prie de prier pour moi. Depuis 2009 que j'ai commencé à prêcher, c'est la première fois que les choses de cette envergure ici arrivent. Parce qu'il sait effectivement qu'on a eu de les toucher à là où il ne veut pas. Il a attaqué les enfants, le Seigneur n'a pas permis. Il a attaqué la maison, l'ange a tué l'animal. Il attaque. Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur est merveilleux. Il ne peut pas permettre. Ce qui est bon, c'est que lorsque l'ennemi attaque, Dieu lui assigne la limite. Donc il travaille sous la gouverne de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Ah, vous allez bien? C'est quand même curieux ça. Les femmes, vous allez bien? Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Qu'avez-vous reçu du Seigneur jusqu'à aujourd'hui? Les frères, là, les sœurs, avez-vous reçu des choses du Seigneur? On peut commencer, n'est-ce pas? Vous avez moi. Je demande si vous avez reçu les choses du Seigneur. Qu'est-ce que vous avez reçu? Tout ce que je peux vous demander, c'est seulement de prier pour moi. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Et ce matin ici, à 5h, pendant que nous prions, mon épouse et la sœur Adélaïde, la bien-aimée sœur Adélaïde, j'ai vu le Seigneur m'a montré un frère qui n'est pas sérieux ici. Ça ne servira à rien d'être comme ça. Parce qu'il est dans les filets de l'ennemi. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14. Ce n'est même pas le sujet de soi. Je vais seulement vous parler de quelque chose. Avant qu'on ne commence. Vous me suivez quand même bien. Vous entendez quand je parle. 1 Corinthiens chapitre 14. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas de problème? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, ceux qui s'appellent chrétiens, n'ont pas de problème? 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 3. Vous y êtes. Non mais c'est terrible. Je crois qu'il ne doit pas durer ici ce soir-ci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie. Les exhorte. Les console. Vous avez vu ça? L'église a besoin du don de prophétie. L'église a besoin du don de prophétie. Je suis en train de vouloir parler de ceci d'abord pour transmettre deux messages, deux ou trois. Il dit ça parce que lorsque j'ai médité avec mon épouse, elle me pose une question par rapport à une prophétie que j'ai écrite dans mon cahier depuis 2010 concernant le chef de ce pays. Et dans cette prophétie, il avait dit, avant que ce qui lui arrive, le signe c'est que son grand ami le plus proche sera évacué. Et quand il va évacuer, ce sera sa fin. Et il est mort, effectivement. Il a été évacué, puis il est mort. Vous le connaissez très bien, le ministre de la Culture, l'ancien ministre de la Culture, vous vous appelez? Non, la culture, c'est l'un de ses amis les plus proches. On l'appelle Ferdinand Léopold Oyono. Donc j'avais dit ça depuis, ça c'est 2010. Alors ma femme me demandait que comment se fait-il que ces choses arrivent. J'ai dit ça parce qu'il y a un autre frère ici qui m'a dit, frère, assez rythme là, on va commencer à t'appeler prophète de malheur. Celui qui dit seulement les choses de malheur. Parce que la chose qui est arrivée au supermarché là, comme j'avais dit, c'est deux jours avant et puis c'est arrivé. Donc ce sont les mauvaises choses seulement. Je vais prendre ça pour vous expliquer quelque chose sur les prophéties pour que vous compreniez. Concernant notre pays, les carottes sont cuites. C'est irrémédiable. Concernant notre pays, c'est irrémédiable puisque le signe était le signe de celui-là. Et c'est allé exactement tel quel. Vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous avais raconté le message que c'est l'oiseau qui était venu me dire ça à la fenêtre. Je vous avais dit ça ici, non? Que l'oiseau me disait, Voici Alessandro Ouattara, il sera transporté en urgence, il s'est évacué. Ça n'a pas fait 2 ou 3 mois. Mais c'est l'oiseau qui a parlé. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire, je n'ai pas fait pour entendre l'oiseau. Je suis resté sur mon lit, l'oiseau venait à la fenêtre, il parlait, j'entendais. Qu'est-ce que cela envoie, je n'en sais pas. Donc, des choses vont arriver dans le pays ici. Il parle pour le Cameroun d'abord avant de toucher Israël. Et puis on va lire ce qui est ici là. La période où ces choses se passent, c'est la période de la saison pluvieuse. Parce que j'ai vu la boue. Ce qui était de demander à Dieu que quelle période. Il m'a montré la boue, il m'a montré les policiers dans la rue. C'est pour ça qu'à l'issue de ça, on va prier pour le Cameroun pour que ces choses-ci arrivent telles que ça se trouve là. Je ne sais pas comment mettre ceci. Mais je vais essayer de parler. Je vous avais dit ici, une fois, parlant des conseils constitutionnels. J'ai dit, après le conseil constitutionnel, oui, mais quoi? J'avais dit ça. À un moment donné, j'ai dit qu'au journal de 20h, quelqu'un, quand on commence à parler au passé, en disant que telle personne, il fut un commis de l'État. J'avais dit ça. Donc, cet événement se passe. Voici, les soldats sont dans la rue, dans les coins de carrefour. Ils sont nombreux dans les coins de carrefour. Mais c'est stable. C'est stable. Écoutez très attentivement. C'est stable, mais les gens se regardent les uns les autres. Vous comprenez ce que je viens de dire? Vous savez, si vous comprenez ce que je vais dire, je vais prendre 2 ou 3 exemples que vous saisissez. Lorsque 2 coqs bagarrent, vous voyez, elles commencent à gonfler. Elles restent là, chacun s'observe, ou bien même les chiens. Quand ils bagarrent, chacun s'observe. Un petit caillou au milieu d'eux, et la bagarre déclenche. C'est ce que je viens de dire. Ou bien, un truc d'essence qui est versé, à tout moment, ça va s'exploser. Si quelqu'un passe avec la cigarette, ça va s'exploser. Si quelqu'un jette une flamme de feu, ça va s'exploser. C'est comme ça qu'il peut expliquer la situation. Donc, le climat qui est, c'est cela. Le climat qui est. Je ne dis pas maintenant. Je dis ce que j'en ai regardé, ce que j'ai vu. Je suis obligé de raconter comme je ne peux pas dire autrement. Donc, ce qui est là, c'est que nous allons prier. Pourquoi Dieu montre ceci? Parce que il y a des choses, des gens autour de votre président. Je n'aime pas savoir comment. Proverbe. Proverbe. Proverbe. C'est la Bible qui me... Les Écritures qui me portent à m'exprimer mieux. Chapitre 24. Tout le monde, vous êtes là. Lis-moi le verset 21. Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Vous avez entendu ça? Lis encore ici, Patani. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Voilà. Dieu donne un conseil ici qu'on craigne Dieu et qu'on craigne le roi, donc le président du pays. Et qu'on ne s'attache pas avec les gens qui remuent la foule. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Mon fils, crains l'Éternel et le roi et ne te mêle pas avec les gens remuants. Donc les gens qui soulèvent la foule pour créer des désordres. On va dire des choses qui sont vraies. On va dire des choses que il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Il est un sataniste, il a tué, il est homosexuel, il est ceci. Job chapitre 6. Vous êtes dans Proverbe, vous rentrez rapidement par derrière. Psaume. Et après cela, il y a Job. Vous êtes dans le livre de Job. Faites vite, ce n'est pas le sujet. Laissez-moi vous transmettre les messages. Donc, il faut qu'il mette ça de cette façon aussi. Job chapitre 6. Lis-nous verset 14, vraiment, mon frère. Verset 14, chapitre 6. Il dit ceci. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin d'Esther. Qu'Esther avait préparé. Vous voyez, non? Vous voyez qui me cherche des problèmes? Vous voyez? Vous voyez, non? Lise-nous ici, frère Chine. Celui qui souffre à gauche. Non, toi, lui-moi ici. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même si. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. La Bible déclare que même quand quelqu'un souffre, il a besoin de la compassion de son ami, même s'il vit dans le péché. C'est ce que la Bible déclare là-bas. C'est ce qu'écrit, frère. Donc vous pouvez dire, il est sataniste, il est ceci, il est cela, mais il a plu à Dieu de le mettre là-bas. Ce qui m'intéresse n'est plus lui, c'est ce qui va arriver après lui. C'est ça, c'est pour ça qu'il me cible, je me focalise sur cela. Parce que ça se discute en haut. Les décisions qui seront prises ici en bas, ce seront les conséquences de... Ce seront les conséquences de ce qui aura été décidé en haut là-bas. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Souvenez-vous, tant que Apocalypse chapitre 11, le verset 15 n'est pas encore accompli, tout gouverneur sur la terre sera contrôlé par l'Antichrist, par Satan. Donc il faut que Dieu nous permette un gouverneur Antichrist qui est quand même tolérant. C'est quand même un satanisme, mais qui nous envoie quand même, c'est lui qui est tolérant. N'est-ce pas, frère Achille? Voilà. Donc je le dis parce que je crains. J'ai vu un voyage et par derrière quelque chose s'est passé. Des cœurs étaient préparés d'une certaine façon. Et ils savent qu'on les a détectés. Vous me suivez? Je suis obligé de dire ça de cette façon-ci. Bon, maintenant, un style de voyage, qu'est-ce qui se passe? Le tourbillon est allé. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Le tourbillon est allé. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Est-ce que ceci peut pousser à une démission? Est-ce que la démission est conséquente de quelque chose qui va arriver? C'est que vous me comprenez, n'est-ce pas, frère? Mais au côté, j'ai dit, pour lui, il n'y a pas de problème. Parce que volontiers, son esprit est prêt. Volontiers. C'est ici à côté. Donc en 2008, n'eût été la puissance du Saint-Esprit, les nuées qui sont descendues au niveau du Cameroun, on serait fini. N'eût été. En 2008. Parce que les catégories de démons qui étaient descendus, c'est trois seulement qui étaient descendus. Trois. Descendus. Et remarquez ce que ça a fait. Et Dieu a dit, ça ne durera pas. Ceci ne durera pas dans ton pays. Il dit, waouh, Seigneur. À ce moment-là, si ceci dit au pays, ils vont décimer les gens. Il a dit, non, ça ne durera pas. Alors, lors des élections de 2011, il y a d'autres personnes qui ont dit que, achetez-le, regardez à la maison. J'ai dit que ne vous inquiétez pas. Il a dit, rien ne se passe. Parce qu'il y a un ange qui se tient sur les nuées là-bas. Avec l'épée fait comme ça, personne ne bougera. Après donc ça, il dit, ok, maintenant comme les élections sont passées, commencez à acheter le riz. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mes élections sont passées, commencez à acheter le riz et garder à la maison, c'est ce que j'ai dit. Mais ça semble avoir de la calme. Quand ça va faire boum, il n'y aura plus de possibilité d'acheter. Donc, voici là, je veux qu'on nous actionne la prière. Deux endroits pour que la miséricorde de Dieu couvre le ciel du Cameroun. C'est-à-dire que tous les bagages qui se passent là-bas, que ça n'ait pas d'influence. Enfin, même si l'influence doit être n'importe comment, que ça ne soit pas grande. Là, c'est un. De deux, que Dieu soumette les cœurs de tous ceux-là. Parce que je vous dis, c'est ça qui crée les troubles. Et si la nuit qui était descendue en 2008 n'était pas descendue, pour que vous voyez effectivement que même les païens, même ceux qui étaient, j'ai dit, portés vers la violence, commencent à dire que non, que les jeunes se calment. Vous avez remarqué cela? Ils croient que c'est eux qui avaient fait. Ça s'est passé à genoux. Il y a des choses que je vais vous dire sur ces pays-ci. Vous entendez, on arrête les gens, on met en prison. Vous croyez que c'est la décision de celui-là. Que c'est lui qui a fait comme ça. Parce que Dieu, si ces choses n'étaient pas faites, il y a longtemps de cela, les gens devaient se lever. Est-ce que vous saisissez? Parce que ce n'est pas possible que les gens soient de vivre ainsi, dans la luxure, ils mangent de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas fait comme il se devait, mais c'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Les gens sont de manger de l'argent, une classe sont de manger de l'argent en arguant des autres personnes, et les gens sont de vivre dans la pauvreté. C'est l'injustice. Et la Bible déclare que c'est la justice qui élève une nation. Il a compris. Donc c'est la prière qui amène ces gens-ci en prison. Ce n'est pas lui qui fait. Donc deux axes de prière. On prie sur le ciel du Cameroun. Le ciel du Cameroun. Parce que les décisions sont en haut là-bas. Donc les gens qui vont dire, c'est que celui-ci, John Frundi. Oubliez John Frundi. Il est partant. Oubliez-le. Il est partant. C'est un homme partant. Oubliez-le. Que non, c'est celui-ci. Oubliez-le. Qu'est-ce qui peut bien faire au pouvoir? Donc les décisions se passent en haut là-bas. Les décisions de qui va régner. Ce n'est pas vos votes. Ça n'a rien à voir. Donc j'ai des choses à dire dans ce pays-ci. Des choses à dire. Deuxième acte donc, que les cœurs de tous ceux qui sont les décisionnaires, les gens qui peuvent pousser les gens à la révolte, que Dieu soumette leur cœur à sa volonté. Si Dieu soumet leur cœur à sa volonté, ça va marcher. Parce que j'ai vu, ce que j'ai vu, c'est après cette nouvelle-là, cette nouvelle, il y avait de la calme, la prudence. Certaines personnes désertaient le pays, d'autres touchaient. On a fermé les frontières. On a fermé ici, l'aéroport a été fermé. Et c'est comme si les gens étaient en pause. Mais un genre de pause où, bam, et puis ça déclenche. C'est ici que c'est le danger, c'est là. C'est ce que j'ai vu. Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. D'accord, mes frères? Il faut qu'on prie pour le pays comme ça. Des gens, donc maintenant, alors qu'il est assis là maintenant, des gens, les blancs ont acheté le cœur des gens qui sont à son entourage. Acheté le cœur des gens qui sont à son entourage. Et ils sont en train de rire avec lui en le regardant dans les yeux. Donc, voilà pour ce qui est du Cameroun. Je n'en parlerai plus parce que c'est consommé. Je ne parlerai plus du Cameroun. Je ne parlerai plus du Cameroun. Ce qui va arriver, que ça arrive maintenant. Ce qui va arriver, que ça arrive. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Ça en est fait du Cameroun. Donc maintenant, l'autre cas qui m'a beaucoup surpris, c'est le cas d'Israël, de ce que j'ai vu. Et d'une part, ça ne me surprend pas trop parce qu'il sait que bientôt l'évangile va retourner par là-bas. Mais ce que j'ai vu, c'est l'état où l'église se trouve et ce qui est en train de vouloir arriver rapidement. Je veux que vous gardiez maintenant ceci à l'esprit. Vous écoutez très bien. J'ai vu le mur des lamentations. Le mur des lamentations. Vous avez entendu ça? Vous connaissez ce qu'on appelle le mur des lamentations? Qui ne connaît pas? Tous ceux qui ne connaissent pas, vous savez? Si vous voyez les juifs, ils ont un mur où ils partent là-bas, ils mettent des sujets de prière, font comme ça. J'ai vu cela, un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Un événement est arrivé, ça s'est écroulé. Je me trouvais exactement sur cette montagne-là et je voyais ces choses-là se dérouler. Il y avait un juif à côté de moi. Au sens physique, il avait l'air de 7 ans, mais il maîtrisait le Tanakh. Il maîtrisait bien le Talmud. De son côté également se trouvait quelqu'un de nation. Il se trouvait également là. J'espère que vous me comprenez. Le mur de la montagne, quand ça s'est écroulé, j'ai vu des sujets de prière versés dans les ruisseaux. Et des juifs qui pleuraient parce que c'est leur dernier rempart, leur dernier truc sur lequel ils se cramponnent au moins comme vestige, était écroulé. Subitement, l'esprit de prophétie est venu. Je suis tourné là, à gauche, j'ai vu. Ça veut entendre normalement, lorsqu'on monte Israël, vous allez voir que ces montagnes-là sont désertiques, bizarres comme ça, comme s'il n'y avait pas de l'herbe. Il y avait de la verdure partout sur la montagne. Et j'ai dit, réjouis-toi, Jacob, parce que ton créateur, ton épouse s'est souvenu de toi. Il se tourne vers toi maintenant pour te racheter. C'est ton heure maintenant, Israël. Ne vous lamentez pas de mur des lamentations. Ces garçons-là, le jeune juif était là à côté de moi, il me regardait. Quand il me regardait, il pouvait comprendre ce qu'il a de comprendre. Il voyait quelqu'un des nations qui en train de parler à Israël. Il sait que les prophètes doivent venir d'Israël pour parler à Israël. Il sait ça. Il sait. Et donc, celui des nations dont vous voulez espérer seulement pour la portion d'Israël. Donc, celui-là comprenait effectivement. L'homme de la nation qui était à côté de celui d'Israël savait que toutes ces bénédictions maintenant dépendent d'Israël. Donc, il n'a pas le choix maintenant de se soumettre à Israël. Pourquoi le mur de lamentation s'est cassé? Parce que Dieu voulait se reconcentrer, que les juifs se concentrent sur lui. À l'instant, ça va faire boum. Je ne sais pas quelle période. Je vous dis, il vous décrit tel que je veux. À l'instant où ces murs s'écroulent, des groupes s'élèvent en Israël, loin de l'Esprit de Dieu, pour établir la restauration. Parce que le culte ne doit pas avoir lieu sur ces murs-là. Le culte est censé avoir lieu dans le sanctuaire, où les sacrificateurs sont établis, selon l'ordre qui est écrit pour eux. Alors dans cette vision-là, j'ai entendu, nation, repentez-vous, préparez-vous, parce que le Messie bientôt arrive pour Israël aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à faire? Ça nous amène à dire, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on travaille davantage. Pour ceux qui sont en train de blaguer. Il dit, j'ai vu le mur de lamentation s'écouler. Tu sais, le mur de lamentation, il y a un CD. Quelque chose m'a marqué particulièrement parce qu'il y avait un CD qui était inséré au milieu du mur. Sur ce CD, il était écrit gouverneur 666. Sur le CD, au-dessus du CD. CD sans étude. C'était dans le mur. C'est écrit gouverneur. Et puis 666. C'était là au centre. Les juifs pleuraient, pleurnichaient sur le mur. D'autres ramassaient le reste de la terre. Qu'au moins, ils pleuraient avec amertume. D'autres se battaient la tête. D'autres se battaient les poitrines. Se battaient la poitrine. Ils se prenaient les poussières. Ils se jetaient dessus. En disant qu'au moins, le dernier vestige qu'ils avaient pouvoir invoquer Dieu, c'est tombé. Mais elle ne comprenait pas que le fait que c'était tombé, c'était la restauration qui arrivait. Donc c'était le début de leur restauration. Donc, dans 1 Corinthiens 14, on dit que le prophétie a comme le but. J'ai transmis les deux messages. Je vais me concentrer sur l'église maintenant. Sur l'église. Il faut que l'église soit restaurée totalement. C'est sur elle que je vais me concentrer maintenant. Donc, que ça fait boum à Douala, boum au Cameroun, boum. Sauf si Dieu me dit de façon expresse d'en parler. Vous comprenez? Si tel n'est pas le cas, je vais mettre ça dans la parabole, dans un sujet de prière. On prie avec cela comme ça. Si tel n'est pas le cas, que ça arrive. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc, concentrons-nous sur notre travail de sanctification dans ses profondeurs. Concentrons-nous sur notre travail de sanctification. Oubliez déjà le sujet de prier que Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le ceci, voici ceci. Oubliez cela. Priez, cherchez la face du Seigneur. Donc, je suis en train de prendre 1 Corinthiens 14 pour expliquer quelque chose avant qu'on avance, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et d'autres personnes disent que on n'a plus besoin des prophètes aujourd'hui, on n'a plus besoin des prophéties parce que la Bible a tout dit. C'est malheureux seulement. C'est malheureux. Voilà l'un des mensonges du diable qu'on a fait pour qu'au milieu de l'église, surtout dans les démons, les sorciers peuvent être au milieu de l'église, on commence à faire des choses. Parce qu'ils savent que les prophètes sont les aigles de Dieu chargés à dénoncer les œuvres. Alors, ce qu'on connaissait jusqu'alors, c'est que la prophétie a trois buts. N'est-ce pas, dans l'église, c'est ça? En fait, notez que les prophéties, d'après la Bible, d'après le Nouveau Testament, ont 5 buts. Notez. Lorsqu'on va voir ces 5 buts-là, on va commencer ce soir. Sous le nombre de 2 sujets de prière pour le Cameroun. Le ciel du Cameroun, puis le cœur de la population. Le cœur de la population. Lorsque les événements fâcheux arrivent. Parce que le tourbillon se dirige vers ces messieurs. On va le pousser où? Donc il y a 5 buts. Il y a 5 buts. 5 buts pour les prophéties dans l'église. 5. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 3. On a lu ça, n'est-ce pas? Il veut que vous lisez vous-même. À haute voix. 1, 2, 3. Ah, vous n'avez pas encore ouvert. 1 Corinthiens 14, verset 3. Je veux que vous lisez ça, je vous explique quelque chose. Et puis on enseigne ce soir, puis on prie. 1, 2, 3. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les étudie, les interroge, les console. Ça fait combien? 3. Donc voilà les trois points principaux. Première chose, quand il parle aux hommes, le but pour parler aux hommes, c'est 1. 1. 2. Exhorter. 3. Consoler. Voilà. Donc, quand les prophéties sortent au milieu de l'église, c'est ça. Vous voyez, quand les gens n'ont pas compris, je dis c'est 5. Il y a 5. Je vais vous ajouter 2 autres maintenant. Lorsque les gens n'ont pas compris les prophéties et qu'on se limite à cela, on va commencer à avoir tout genre de choses, tout genre de doctrines. On peut dire, après Jésus, il n'y a plus de prophètes parce que l'église est comme. La Bible est complète. On n'a plus besoin des prophéties au milieu de l'église parce que la Bible est derrière là, on peut tout savoir. C'est écrit ici que vous n'allez pas à Yaoundé. Y a-t-il un verset qui dit que ne voyage pas, sinon tu vas faire l'accident? Non. L'autre là va devenir par prophétie. Parce que si quelque chose est censé t'arriver, il faut que quelqu'un te dise, si Dieu le montre, que fais attention parce que voici, ainsi par le Seigneur, telle chose est censée arriver. D'accord? Donc le verset, nous sommes dans 1 Corinthiens 14 là. Permettez-moi de lire. Donc il y a un, je crois que vous entendez noter. Donc les 5 points de prophétie dans l'église. Donc, nous avons vu verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Donc, les prophéties sont destinées pour les hommes. 1. Les édifie. C'est ça? Les exhorte. Les console. Vous y êtes? Lisons le verset 25. Verset 20, je vais lire le verset 24 et 25. Vous allez voir encore une autre chose sortir là-bas. Regardez avec moi. Nous sommes dans le même chapitre. D'accord? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Soulignez cela. Et puis vous notez un autre cas. La prophétie a pour but de dévoiler les secrets. de cœur. Vous avez vu ça, c'est écrit là, toujours là-dedans, là. 1 Corinthiens 14. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Amen. Ok. Quand il dit 5 choses, ne croyez pas qu'il veut déposer là. Après, il va lire le 3 là, il va vous dire autre chose. Il faut qu'il vous dise n'importe quoi, ça écrit dans la Bible. La Bible dit qu'au milieu de l'église, au chapitre 14, verset 3, que lorsque la prophétie sort, les hommes parlent de la part de Dieu, c'est fait pour consoler les hommes, les exhorter, les édifier. Puis, même dans le cas où il y a les non-croyants, les gens du peuple entrent. Et vous avez vu ces choses se manifester, c'est plusieurs fois, pas vrai? N'est-ce pas, frère? Il dit, si quelqu'un de non-croyant entre, ou bien quelqu'un du peuple entre, et que tous prophétisent, il dit qu'il est jugé. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Parce que l'esprit de prophétie parle directement à sa vie. Vous voyez cela? Et quelle est la conséquence? Il déclare, verset 25, là, sur verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous y êtes? Donc, nous avons là quatre choses. Un, exhorter, édifier, consoler, dévoiler. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Allons-y au verset 30 là et suivant. Et si un autre qui est assis, vous êtes avec moi, vous êtes en train de voir. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit, afin que tout soit souligné. Et que tout soit, non. Et que tout soit, non. Vous lisez la Bible, c'est devant vous. Et que tout, voilà. Exhorté a été dit à Marseille au verset 3. Au verset 3 du chapitre 14. On a lu ça, non? On a lu que la prophétie est faite pour exhorter, consoler et édifier. Donc, exhorté a été mentionné. Ici, il ajoute encore une autre chose. Vous suivez? Donc, il y a combien de choses déjà? 5. Alors, maintenant, on se pose la question. Prenons acte des apôtres. Le jour qu'on va revenir sur les dons spirituels, on va y revenir dans les profondeurs. Actes des apôtres. Chapitre 20. Actes des apôtres, chapitre 20. Vous y êtes. Ok, lisons à partir du verset 22. Regardez. Et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Vous suivez? C'est l'apôtre Paul qui vient de parler. Et maintenant, voici, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous êtes là? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 27. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage ou tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Regardez bien. Les prophéties de la Bible pour le Nouveau Testament, vous allez voir ça. La majorité commence par prenez garde. Le Seigneur Jésus-Christ va parler de prenez garde. Il se lèvera au milieu de vous. Il y aura des faux prophètes. Prenez garde. Ici, il dit, prenez garde, donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Évêque pour être l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups crieurs qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande entre à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a parlé dans la prophétie, n'est-ce pas? Il en est de prophétiser à ce qui va arriver à l'église en parlant aux anciens. Maintenant, les 5 choses que nous avons mentionnées dans 1 Corinthiens 14, allez classer maintenant chacune des choses par rapport à la prophétie. Maintenant, je vais rester sur la prophétie que le Saint-Esprit vient de donner à l'apôtre Paul pour lui-même. D'accord? Alors, chapitre 21. Tournez toujours la page. Chapitre 21. Si vous avez ouvert, je vais rapidement. Verset 8, je vais d'abord partir verset 8. On y va. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Écoutez bien, c'est les chrétiens maintenant. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. L'apôtre Paul a dit aux anciens, quand il était à Éphèse, il a dit que le Saint-Esprit l'a averti que quelque chose arrive. Et c'est parce que c'est ce que je viens de dire. Le Saint-Esprit lui a dit à lui-même déjà que quelque chose vient d'arriver. Comment on allait à Jérusalem, des liens t'attendent. Comme tu montes à Jérusalem, des liens t'attendent. Parce qu'il donnait les adieux à l'église d'Éphèse. Il dit que vous ne verrez plus mon visage. Je suis plus du sang de vous tous. Je m'en vais comme ça. Le Saint-Esprit m'a averti que les liens et les tribulations m'attendent. Il descend donc à Césarée. Il reste là-bas plusieurs jours. Agabus, un prophète, il se dirige vers lui. Il prend sa ceinture. Il attache ses mains. Il attache ses pieds. Oh, les prophètes. Il dit ainsi dit le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière. Est-ce que vous voyez cela? Il parle du fait qu'on dit que les prophètes, que si on dit de moi que je suis prophète, ils prophétisent seulement les mauvaises choses. Je vais prendre mon frère Agabus. On va voir ces deux principales prophéties. Donc vous pensez que c'est une bonne chose comme ça qu'il dit pour le frère l'apôtre Paul. Il dit qu'on va le traiter à Jérusalem. Et les chrétiens, quand les chrétiens ont entendu ça, ils ont commencé à dire, Paul, s'il te plaît, ne pas à Jérusalem. Regardez la réaction de Paul. Verset 13. Alors il répond ici, Paul qui répond, que faites-vous là? En pleurant et en me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous insistons, pardon, chacun est sur cela. Comment, ok, monte alors. Alléluia. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. L'homme, on va, quand il veut parler, il veut entrer dans ce ministère prophétique, vous allez voir pourquoi souvent certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi d'autres sont retardés. Pourquoi d'autres sont inchangeables. Ça, c'est dans les Écritures qu'il faut voir cela. L'apôtre connaissait la voix de Dieu. Que c'était la voix, parce que son appel est lié. Bon, c'est même pas là, n'entre pas là-dedans. Allons au chapitre 11, ce même livre. Vous allez me tourner, il va entrer là-dedans, il va commencer à entrer en signe les choses. Chapitre 11 des Actes des Apôtres. Lisons à partir du verset 19. On y va. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion de Tienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Verset 24. Car c'était un homme de bien plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Vous y êtes. Je vais rapidement verset 27. En ce temps-là, des prophètes, vous avez vu? Il faut que l'église en naisse là. Ce qu'on nous sait, c'est les faux prophètes seulement. Ce n'est que les faux prophètes que l'église a maintenant en grande majorité. Il ne dit pas qu'il en a pas. Il y en a des authentiques. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de nommé qui? C'est encore lui ici. Se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine. Donc ça passe, c'est toujours grave. Oui. Les prophètes que nous avons aujourd'hui, c'est tu vas aller aux États-Unis, ton mari c'est un blanc. Va sur Internet, tu vas gagner la loterie. Regardez là. Pendant qu'on va lire ce qu'il va dire, il faut que vous regardiez dans les cinq choses que nous avons vues que les prophéties au milieu de l'église font pour savoir lequel ça touche, dans quel domaine ça touche, d'accord? En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Vous avez vu cela? Pourquoi Dieu montre à un prophète que prévient l'Église que la famine en est arrivée? Pourquoi, frère? Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dit dans un Matthieu 24, il dit prenez garde que personne ne vous séduise, car il se lèvera de faux Christ. Si vous pouvez garder ça pour lui, et aussi tu te rends compte que tu vas voir qu'il y a des gens qui parlent de Christ, mais l'œuvre ne suit pas. Il nous a prévenu pour que quand ça arrive, chacun prend ses distances. C'est ainsi les prophéties. La prophétie est faite pour canaliser, pour rectifier, pour diriger, pour orienter et pour conduire l'Église à bon port. L'Église doit avoir deux piliers. Les autres peuvent manquer, les apôtres et les prophètes doivent manquer. Les autres peuvent manquer. Les apôtres et les prophètes ne doivent pas manquer au milieu de l'Église. Si l'Église manque des apôtres et des prophètes, c'est la catastrophe. C'est là où on est entré. C'est pour ça que l'Église est arrivée jusqu'à ce niveau-ci. Parce que chacun se dit prophète. Les gens achètent le savon, l'huile de mort, savon du Nigeria, l'huile du Vatican, un style de veste, on porte, pour faire que les gens tombent. Et on dit qu'on est prophète. Ici, il dit qu'il y aura une famine, une grande famine sur la terre. Et la Bible déclare que c'est arrivé enfin sur Claude. La suite dit que les disciples résolus, chacun selon sa prospérité, d'envoyer aux frères qui sont dans la Judée, selon leur prospérité, n'est-ce pas? Ok, mesdames. Les chrétiens entre eux savaient que quelque chose allait arriver. Donc, ils pouvaient se préparer en conséquence. C'est pour cela que la prophétie est donnée. Pour que quand ça va arriver, que vous ne vous lamentez pas. Ouvrez le livre d'Amos au chapitre 3. Il va sortir par là. Le livre du prophète Amos, au chapitre 3. Le verset 6 à haute voix, mon cher. Lis. Amos chapitre 3, verset 6 écrit. Lis le verset 6 à haute voix, s'il te plaît. Sonnons de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Oui. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Lisez le verset 7, mais dans le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez suivi? Donc, s'il arrive que des troubles arrivent, tout le monde entre dans ce trouble, dans l'envergure, il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église doit avoir les prophètes. Il dit que dans une ville, s'il y a un épouvante, il y a une trompette, il doit avoir une trompette qui doit sonner. Le lion ne peut pas rougir sans qu'il y ait la proie. S'il parle, on va prophétiser. Donc j'ai fini. J'ai dit que je ne parlerai plus du Cameroun. Je ne parlerai plus du Cameroun. C'est terminé. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Donc ça en est fait. Et presque depuis 2009 que je supporte cela sur mon cœur. Donc ça en est fait.